méga pute. Tu vois, j'ai accès à l'infini, méga pute. Suce-moi jusqu'à l'infini, rebeu, lot, alka, pop le rebeu, hot, DJ, widim, l'assassin, méga pute. Sadisme et perversion, sadisme et pute. Alka, pop et DJ, widim, alka, pop et DJ, pute. Sadisme et perversion, sadisme et pute. Lubrifie ton cul, j'y glisserai. Tu vas pas sniffer de la cam, mais une dose de poppers. On renique. Avant que ça explose, on recherche le bonheur. L'amour. Oui, j'ai de la frappe dans mon cœur de rocker. Johnny. Je roule un joint, toi tu profites de l'odeur. Renique. Tu vas pas sniffer de la cam, mais une dose de poppers. On renique. Avant que ça explose, on recherche le bonheur. L'amour. Oui, j'ai de la frappe dans mon cuir de rocker. Johnny, je roule un joint, toi tu profites de l'odeur. W-W-E-D-I-M-A-L-K-P-O-T-E. Combinaison parfaite et gagnante, maintenant dis-moi qui dit mieux. J'ai de la bœuf, de la peur, de la wax, pro et même du BHO. Toujours un petit secret dans mes Air Max, dois éviter le cachot. Le donjon, les oubliettes. J'ai du bon son et une olivette. Mon grinder, ma moulinette. J'passe du bon temps avec vos minettes. C'est la folie mec, c'est la potéose. Nique l'applaudimètre, bouffe les potétoses. De la porte des roses, c'est que je suis légendaire. C'est que je suis légendaire, c'est que je suis légendaire. C'est problématique, je n'ai pas de but. Je n'ai pas de but, c'est problématique. Roche décapite les méga putes. Les méga putes, roche décapite. Comme Roger Rabbit, je les charcute. Je les charcute comme Roger Rabbit. Mon flow est magique, toi c'est de la flûte. Toi c'est de la flûte, mon flow est magique. A la une, à la deux, ça me sucera la queue. Gars, on fumera de la bœuf, de la niaque, de la wax, de la frappe, de la mort. Mec, je suis dark, Vador, toutes les garces m'adorent. Je suis sadique et pervers, trop tactique et expert. Vois ma clique et vénère, je suis rapide comme l'éclair. J'ai le rayon de cyclope et les griffes de Serval. La peau de Colossus, tes putains de potos me sucent. J'arrive en autobus, je repars en hélico. Jack Daniel, Chérico, suce ma bite pour toujours, à jamais. Ma salope, Al Capote et Widim. Ouvre les portes de l'enfer, tu vas rejoindre Hitler. Tu vas rejoindre tes ancêtres. Tu vas pas sniffer de la cam, mais une dose de poppers. Avant que ça explose, on recherche le bonheur. L'amour. Oui, j'ai de la frappe dans mon cuir de rocker. Johnny. Je roule un joint, toi tu profites de l'odeur. Renie. Tu vas pas sniffer de la cam, mais une dose de poppers. Renie. Avant que ça explose, on recherche le bonheur. L'amour. Oui, j'ai de la frappe dans mon cuir de rocker. Johnny. Je roule un joint, toi tu profites de l'odeur. Faites attention, j'arrive avec des flots, des faces qui vous enchaînent. Ça va exploser, tu vas pouvoir aller rejoindre tous tes ancêtres. Faites attention, j'arrive avec des flots, des phases qui vous enchaînent. Ça va exploser, tu vas pouvoir aller rejoindre tous tes ancêtres. Je suis sûr que comme moi t'auras jamais vu autant d'anus. Je veux pas me faire serrer pour blanchiment comme le fils de Ranfabus. J'ai un style de rockstar, un pantalon de rocker et un cuir de motard. Puis t'as des hauts cœurs, dès que tu me vois t'enlèves ton feuille léopard. J'ai le revolver de Hitler et le costard d'Herbert Léonard. Nouveau projet sorti tout droit du four juste pour faire taire les connards. J'envoie des molars sur la gueule des vieux chiens comme François Léotard. Il est jamais trop tard, je suis un vrai génie comme Da Vinci Léonard. Tu vas pas sniffer de la cam, mais une dose de poppers. Avant que ça explose, on recherche le bonheur. L'amour. Oui, j'ai de la frappe dans mon cuir de rocker. Johnny. Je roule un joint, toi tu profites de l'odeur. Renie. Tu vas pas sniffer ta cam, mais une dose de poppers. Renie. Avant que ça explose, on recherche le bonheur. L'amour. Oui, j'ai de la frappe dans mon cuir de rocker. Johnny. Je roule un joint, toi tu profites de l'odeur.